les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Écoutez, faites silence, la triste énumération de tous les forfaits sans nom, des tortures, des violences, toujours impunies, hélas, du criminel. De quel criminel s'agit-il ? De Fantômas, bien sûr. C'est Léo Ferré qui va chanter cette terrible injonction, signée Robert Desnos, et il y en a des couplets, moins que de romans signés Souvestre et Alain qui racontaient, avec horreur, les aventures de Fantômas, le génie du crime, mais tout de même. Robert Desnos, donc. Poète, le rédacteur de la Révolution surréaliste, qui écrivait des poèmes qui ressemblaient à des chansons. C'est en 1933, plus de 20 ans après la naissance littéraire de Fantômas, que Robert Desnos avait créé La Complainte de Fantômas. C'était pour Radio Paris. Voici donc La Complainte de Fantômas, une version diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 20 novembre 1960. Une soirée de Paris. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, vous pourrez écouter La Complainte de Fantômas de Robert Desnos. Pour rendre hommage au poète et par amitié pour Robert Desnos, quelques-uns de nos meilleurs acteurs contemporains ont accepté avec joie d'interpréter de simples silhouettes. Ils se sont amusés à interpréter La Complainte de Fantômas comme Robert Desnos s'était amusé à l'écrire. La radiodiffusion télévision française présente La Complainte de Fantômas de Robert Desnos, d'après le roman de Souvestre et Alain, musique de Kurt Weill. Avec, par ordre alphabétique, Paul Barré, Lucien Barou, Pierre Blanchard, Roger Blin, Marcel Bozoufi, Georges Carmier, Bernard Clément, Jean-Paul Coquelin, Henri Crémieux, Yvonne Descades, Henri Janic, Ginette Franck, Yves Gladine, Noël Husselot, Claire Jordan, Bernard Lajarige, François Mestre, Jean Marchat de la Comédie-Française, Robert Moffra, Sylvia Montfort, Geneviève Morel, Bernard Musson, Henri Nassier, Jean Ozen, Josette Pirceau, Henri Poirier, Jacques Provin, Jacques Torrance, Henri Virelegeux. Léo Ferré, accompagné à l'orgue de Barbarie par Jean Arnaud, chante La Complainte de Fantômas. Réalisation Albert Riera. Écoutez, faites silence, écoutez, faites silence, la triste énumération de tous les forfaits sans nom, des tortures et des violences, toujours impunies, hélas, du criminel Fantômas. Lady Beltham, sa maîtresse, Lady Beltham, sa maîtresse, le vit tuer son mari, car il les avait surpris. Au milieu de leurs caresses, il coula le paquebot, Lancaster au fond des flots. Allô ? Allô, qui me parle ? La préfecture ? Ici le ministre de l'Intérieur. Quoi ? Juve ? Le policier Juve a fait arrêter la bande à Fantômas ? Oh, bravo ! Allô ? Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a trouvé Juve ligoté dans son bureau ce matin? Vous êtes sûr? Non, on vient de me dire qu'il était à Alfortville. Monsieur le ministre, un agent cycliste vous demande. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur le ministre, je viens vous informer que l'inspecteur Juve a été tué cette nuit. Quoi? C'est bon, allez-vous-en. C'est à n'y rien comprendre. Monsieur le ministre, une dame veut vous parler. On rentre chez moi comme dans un moulin, alors. Qui a-t-il, madame? Je suis la princesse d'Anidorf. La grande duchesse Alexandra vient de me défigurer parce que, sans le savoir, je l'ai trompée avec Tom Bob, qui est son amant. La grande duchesse Alexandra est la maîtresse de Tom Bob? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Oh, zut. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tom Bob et Fantomas? Monsieur le ministre, voilà monsieur le préfet. Ah, vous tombez bien, vous. Qu'y a-t-il, monsieur le ministre? Ah, ce qu'il y a. Ben, il y a que je deviens un fou. Ils sont tous ligotés et ils sont tous libres. Il y a 12 apaches arrêtés. La grande duchesse Alexandre est la maîtresse de Tom Bob, qui est Fantomas, qui est l'amant de la princesse d'Anidorf. La grande duchesse Alexandra est un escroc. Juve est mort, mais il a arrêté 12 apaches. Tom Bob est ligoté et ensuite libre chez la grande duchesse. Enfin, il y a qu'on ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et je veux qu'on me laisse tranquille. Sans personne, il assassine. Sans personne, il assassine. Mais Juvé, des deux Fandors, va lui faire subir son sort. Enfin sur la guillotine, mais un acteur très bien grimé à sa place est exécuté. Écoutez, oui, madame. À quelle heure est l'exécution? Juve, est-ce que la machine est montée? Flatébler. Allons, reculez, voyons. Et Bousille. C'est de la chance qu'on soit passé à l'heure que M. Desblères va guillotiner. Là, la machine. Où est le fourgon? Il est là, M. Desblères. Montez la carcasse, dressez les montants, tirez le couperet. M. Juve, mettez-vous là, vous serez très bien. Fandor, viens par ici. Oui. Mon ami, du calme. Votre pourvoi est rejeté. Mais où suis-je? Allons, faites vite. Mais je ne suis pas... Coupez-lui les cheveux. Mais je ne suis pas... Le voici. Bougez pas. C'est pas bon Dieu. À mort, Fantomas. Salaud. Justice est faite. Fandor. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas Fantomas que l'on vient de guillotiner. Que dites-vous? Cette tête est grimée. Fantomas est libre. Fantomas nous échappe. Un phare dans la tempête, un phare dans la tempête, croule et les pauvres bateaux font naufrage au fond de l'eau. Mais surgissent quatre têtes, Lady Beltham aux yeux d'or, Fantomas, Juve et Fandor. Le monstre avait une fille, le monstre avait une fille, aussi jolie qu'une fleur, la douce Hélène au grand cœur ne tenait pas de sa famille, car elle sauva Fandor, qui était condamné à mort. Dois-je vous reconnaître? Vous saluez Fandor? Hélène, je vous dois la vie, je vous baise les mains. Comment reconnaître votre dévouement, votre courage? Fandor, je n'ose rien vous demander. Demander? Ne vous dois-je pas la vie? Alors, je vous demande de ne jamais m'oublier, d'avoir de temps en temps une pensée pour la pauvre Hélène. Une pensée? Mais toutes mes pensées vont vers vous. Je ne pense qu'à vous. Vous hantez mes nuits, mes rêves, mes espoirs. Oh, Fandor. Hélène, je vous aime. Et moi? Vous m'oubliez? Fantomas! Hélène, n'oublie pas que tu es ma fille. Tu es la fille de Fantômas, le génie du crime. Non. C'est vrai. Il a dit la vérité. Hélène, fille de Fantômas. Fandor, je vous aime. Puis-je vous aimer? Mais t'as vu que ça va aller mal. La police cerne la maison. Eh, monsieur Fandor. Mademoiselle Hélène. Tiens, Fantômas. Ah oh, ben, pour une surprise, ça c'est une surprise. Tais-toi, Bousy. Hein? Livrerez-vous mon père, Fandor. Vite! Il s'échappe, Fantômas s'échappe! Laissez-le, c'est mon père. Hélène, mon amour, toute la vie, je vous aimerai. En consigne d'une gare, en consigne d'une gare, un colis ensanglanté, un escroc est arrêté. Qu'est devenu le cadavre? Le cadavre est bien vivant, c'est Fantômas, mes enfants. Prisonnier dans une cloche, prisonnier dans une cloche, sonnant un enterrement, ainsi mourut son lieutenant. Le sang de sa pauvre caboche, avec saphirs et diamants, pleuvait sur les assistants. Les bijoux sont dans la cloche. Monte, je tiens l'échelle. Ça y est, Fantômas, je les ai. Au revoir. Et qu'est-ce que tu fais, Fantômas? Hé hey! Fantômas! Fantômas! Passe-moi l'échelle! Adieu! Bonne chance, imbécile! Il pleut des saphirs, des diamants, des perles. Il pleut aussi des rubis. Mais ce ne sont pas des rubis. C'est du sang. Il y a un cadavre dans la cloche. Encore un crime de Fantômas. Un beau jour des fontaines, un beau jour des fontaines, soudain chantèrent à Paris, le monde était surpris, ignorant que ces sirènes de la Concorde enfermaient un roi captif qui pleurait. Certains secrets d'importance, certains secrets d'importance allaient être dit au tsar. Fantômas, lui, le reçut car, ayant pris sa ressemblance, il remplaçait l'empereur quand Juve l'arrêta sans peur. Messieurs, c'est ici que le tsar se tiendra au cours de cette entrevue. Y a-t-il un sous-sol? Oui, monsieur l'inspecteur. Il faut mettre une bascule ici. Une bascule? Vous devenez fou? Sous les pieds du tsar? C'est bien pour cela. Naturellement, on ne devra pas voir la balance. Ah ça, vous voulez donc peser le tsar? Précisément, je veux peser le tsar. « petit père, voici le secret que j'ai à vous confier. 90 kilos. Allez-y, mes garçons, arrêtez-le. Le vrai tsar n'en pèse que 66. Mais vous êtes fous. Vous voulez arrêter le tsar? Fichez-moi la paix. Au nom de la loi, je vous arrête. Savez-vous à qui vous parliez? Je parle à Fantômas. Il fit tuer par la touche, il fit tuer par la touche, vieillard aux yeux dégoûtants, un Anglais à grands coups de dents, et le sang remplit sa bouche, puis il cacha un trésor dans les entrailles du mort. Cette grande catastrophe, cette grande catastrophe de l'autobus qui rentra dans la banque qu'on pilla, dont on éventra les coffres. Vous vous souvenez de ça? Ce fut lui qui l'agença. Le Bedeau, Beaumôme, Bec de Gaz, Œil de Bœuf et les autres, vous êtes tous prêts? Oui, Fantômas, oui. Alors en route. En voiture pour Montmartre. Allons, les numéros, s'il vous plaît. Voilà, voilà. 322. Personne avant. Ah, 312. 313. Alors, laissez passer, madame. Laissez passer. 314. Complet. Complet, complet, complet. Pont Royal. Avenue de l'Opéra, fin de section. Et dis donc, Œil de Bœuf, il conduit rudement bien le patron, hein? Dac. Le chauffeur est fou. Mais il va trop vite. Arrêtez, il va nous tuer. Au secours. Au secours, au voleur. Au voleur. Au portefeuille. Circulez. Circulez, circulez. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un autobus qui est monté sur le trottoir et qui a défoncé la banque. Oui, bah allez, circulez, circulez. Allons, voyons, circulez. J'ai tout vu, monsieur l'agent. C'est Fantômas qui conduisait. La bande était dans l'autobus. Ils ont tout volé. La peste en épidémie, la peste en épidémie, ravage un grand paquebot, tout seul au milieu des flots. Quel spectacle de folie, agonie et mort, hélas, qui a fait ça, Fantômas? Il tua un cocher de fiacre, il tua un cocher de fiacre, au siège il le fit cela, et roulant qu'un cas, malgré les clients qui sacrent, il ne s'arrêtait jamais, fiacre qu'un mort conduisait. Cocher! Cocher! Eh ben, il s'arrête pas. Hé, cocher! Monsieur Fandor, vous avez vu le fiacre? Le fiacre, il s'arrête pas. Oui, Bousille, j'ai vu. Et j'en aurai le cœur net. Cocher! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous, cocher! Et cocher! Oh là, cocher! Descendez! Descendez! Fiacre de nuit était conduit par un mort. Fantômas, c'est encore un de tes coups. Méfiez-vous des roses noires, méfiez-vous des roses noir. Il en sort une langueur épuisante et l'on en meurt. C'est une bien sombre histoire, encore un triste forfait de Fantômas, en effet. Mais voyons, mon cher baron, mais je ne vois rien qui puisse vous inquiéter. Vous n'êtes qu'un mari jaloux. Si, mon cher docteur, c'est peut-être un amoureux de ma femme qui lui adresse ses fleurs mystérieuses. Je vois combien ses envois l'impressionnent. Ses fleurs lui font peur. Il faut bien dire que leur aspect a quelque chose de si inquiétant. J'ai froid ! Docteur ! Oh, j'ai froid ! Au secours ! Mais qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? Nous voilà. Oh, j'ai peur, j'ai peur. C'est Rose. C'est Rose, c'est Rose noire. Qui les a apportées dans ma chambre ? Elle m'effraie, elle me terrifie. Je n'ose y toucher. Mais qui a apporté ces fleurs ? Vous voyez, elles se fanent déjà à la lumière du jour. Oh, Geoffroy, sauve-moi. Ces roses noires ont une âme. Emmenez-moi loin d'ici, loin de Paris, loin du danger, loin de ce ténébreux endroit où je mourrai. Il assassina la mer, il assassina la mer de l'héroïque Fandor. Quelle injustice du sort, douleur poignante et amère. Il n'avait donc pas de cœur, cet infâme malfaiteur. Du dôme des Invalides, du dôme des Invalides, on volait l'or chaque nuit. Qui c'était ? Mais c'était lui, l'auteur de ce plan cupide, usé aussi mal son temps quand on est intelligent. Ici. Passe l'échelle. Tu es ? Allons-y. Tiens le sac. Dépêchons-nous avant que la lune se lève. On nous verrait. C'est là-dessous que Napoléon est enterré ? T'occupe pas de Napoléon. La Diane chantait dans la cour des casernes et le vent du matin soufflait sur les lanternes. Comme un sanglot coupé par un sang écumeux, le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux. L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la Seine déserte et le sombre Paris, en se frottant les yeux, empoignait ses outils, vieillard laborieux. Capitaine, vous ne remarquez rien sur le dôme des Invalides ? Non, commandant. Vous ne trouvez pas que l'or disparaît ? Mais en effet, vous avez raison. On ne peut tout de même pas le voler, cet or, à moins d'être Fantômas. À la reine de Hollande, à la reine de Hollande, même il osa s'attaquer. Juve le fit prisonnier, ainsi que toute sa bande, mais il échappa pourtant à un juste châtiment. Pour effacer sa trace, pour effacer sa trace, il se fit tailler des gants dans la peau d'un trophée sanglant, dans de la peau de main de cadavre, et c'était ce mort qu'accusé, les empreintes qu'on trouvait. Alors, monsieur Bertillon, avec des empreintes comme celle-là, le voleur a signé son œuvre. Il a laissé sa main entière. Et d'ailleurs... D'ailleurs ? Mieux encore, je peux vous dire le nom de ce voleur. Comment ? J'ai déjà ses empreintes dans mes archives. Attendez. 9200, 9300, 9007, 9650, 40, 42, 9642. Et voilà. Votre voleur s'appelle Jacques Dolon. Jacques Dolon ? Jacques Dolon. C'est pas possible. Jacques Dolon est mort il y a un an. Mort ou vif, c'est lui le coupable. Ce n'est tout de même pas un mort qui a fait le coup. Je ne puis vous dire qu'une chose, c'est que ses empreintes sont les siennes. Mais si l'on avait pris la peau des mains du mort, si on en avait fait des gants, ce ne seraient pas les empreintes du voleur, ce serait celles du mort. À Valmont doit un fantôme, à Valmont doit un fantôme, sur la rivière marchait, en vain Juve le cherchait, effrayant vieillards et mômes, c'était Fantomas qui fuyait après le coup qu'il avait fait. La police d'Angleterre, la police d'Angleterre, par lui fut mystifiée, mais à la fin arrêtée, fut pendue et mise en terre. Devinez ce qui arriva, le bandit en réchappa. Ça y est. Il est pendu. Bien mort, cette fois. Le cercueil est cloué. C'est fait. On peut partir, monsieur ? Vous pouvez. Lady Beltham, venez par ici, venez ! Comment ? Vous, Juve, en policeman anglais ? J'ai promis à Fantomas de le faire échapper à la mort, à condition qu'il me dise où est Fandor. Fantomas ? Il n'est pas mort ? N'est-ce pas son cadavre ? Ce petit tube de caoutchouc durci, ce petit tube introduit dans sa gorge, lui a permis de respirer. Il n'est qu'en syncope. Aidez-moi ! Ah, passez-moi la seringue de Pravaz et les ampoules, les terres. Tenez, prenez-lui les bras comme ça. Il ouvre les yeux. Il vit. Où suis-je ? Fantomas, j'ai tenu ma promesse. Je vous ai sauvé la vie. Maintenant, rendez-moi Fandor. La nuit sinistre et sombre, dans la nuit sinistre et sombre, à travers la tour Eiffel, Juve poursuit le criminel, en vain guette-t-il son ombre, faisant un suprême effort, Fantomas échappe encore. Devant le casino de Monte Carlo, devant le casino de Monte Carlo, un cuirassé évolué, son commandant qui perdait, voulait bombarder la rade, Fantomas, c'est évident, était dans ce commandant. Allons, faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Rouge, impair et manque. Encore perdu. Banco. Je passe. Encore perdu. Voulez-vous dire au directeur de venir me parler d'urgence? Vous m'avez fait appeler, commandant? Oui. Vous allez me rendre immédiatement l'argent que j'ai perdu ici. Vous plaisantez sans doute, commandant. Je ne plaisante jamais. Rendez-moi cet argent, sinon... Mais, commandant, ça ne s'est jamais fait. C'est contraire au règlement. Vous ne voulez pas me rembourser? Bien. Je vais bombarder le casino. Oh, comment... Ben, c'est à prendre ou à laisser. ...405 tribord. Là-haut, c'est 688. Tourelle jumelée, même direction. Servant, à vos pièces. Prêt? À mon commandement. Feu! Commandant, un canot monté par deux hommes se dirige vers nous à tribord. Ne tirez pas. C'est Beaumont et œil de bœuf. Aidez-les à grimper à l'échelle. Prenez soin des sacs qu'ils ont avec eux. Et voilà, commandant. On a profité de l'affolement pour rafler toute la caisse du casino. Il n'y avait qu'à se servir. Parfait. Et maintenant, en route pour la haute mer. Dans la mer, un bateau sombre. Dans la mer, un bateau sombre. Avec Fantomas à bord, Hélène, Juve et Fandor, et des passagers sans nombre. On ne sait s'ils sont tous morts, nul n'a retrouvé leur corps. Ceux de sa bande, Beaumôme, ceux de sa bande, Beaumôme, Bec de gaz et le bedeau, le rempart du Montparnasse, ont fait trembler Paris, Rome et Londres par leurs exploits. Se sont-ils soumis aux lois? Pour ceux du peuple et du monde, pour ceux du peuple et du monde, j'écris cette chanson sur Fantomas dont le nom fait trembler tout à la ronde. Maintenant, vivez longtemps, je le souhaite en partant. Allongeant son ombre immense, allongeant son ombre immense, sur le monde et sur Paris, quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence? Fantomas, serait-ce toi qui te dresses sur les toits? La radiodiffusion télévision française vous a présenté La complainte de Fantomas de Robert Desnos, d'après le roman de Souvestre et Alain, musique de Courte Veille, avec, par ordre alphabétique,